l'animal de mon voisin. C'est un chien, whoop, c'est un chien, wouf, c'est un chien, whoop. L'animal, l'animal, l'animal de mon voisin. C'est un chien, wouf, c'est un chien, wouf, c'est un chien, wouf. Il a les poils noirs et blancs, marche sur ses quatre pattes, les oreilles en avant, remue la queue si on le flatte. Il a les poils noirs et blancs, marche sur ses quatre pattes, les oreilles en avant, remue la queue si on le flatte. L'animal, l'animal, l'animal de mon voisin. C'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf. L'animal, l'animal, l'animal de mon voisin. C'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf. Il a un museau tout rond, sur l'œil une grosse tache, quelquefois sent pas bon. Jouer à cache-cache. Il a un museau tout rond, sur l'œil une grosse tache, quelquefois sent pas bon, aime jouer à cache-cache. L'animal, l'animal, l'animal de mon voisin. C'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf. L'animal, l'animal, l'animal de mon voisin. C'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf, c'est un chien, ouf. Pour me faire peur, il aboie si je lui tire la queue, mais il n'aime que moi, le petit chien aux yeux bleus. Pour me faire peur, il aboie si je lui tire la queue, mais il n'aime que moi, le petit chien.